Chapitre 6. Comment un tel royaume pouvait-il durer? Est-ce la vie d'un chef de respirer des fleurs au milieu des femmes, en écoutant des chansons poignantes, et de mettre son règne sous l'invocation du plaisir, et les mains d'une jeune sarrasinoise? Si éblouissant que soit son esprit, peuvent-elles soutenir la fortune d'un État? Une nuit que l'émir reposait avec Oriente, des messagers épouvantés vinrent l'avertir que des troupes de chrétiens en armes descendait de la montagne. Quoi? Après la trêve signée? Quel rôle joue donc Sire Guillaume? La jeune femme surtout s'indignait. S'il nous a menti, Seigneur, vous devez immédiatement le mettre à mort. Avais-je raison de vous conseiller que vous le gardiez en otage? Plus que l'effroi du danger, ce qui la faisait parler si durement, c'était l'affront d'avoir été jouée par celui que tout le harem croyait qu'elle s'était assujettie. Mandée sur l'heure au milieu des ténèbres et la sarrasine s'étant cachée derrière une tenture, Sire Guillaume n'eut aucune peine à faire éclater sa bonne foi. Si le comte de Tripoli a manqué au pacte dont je suis le garant, l'injure est pour moi plus encore que pour votre seigneurie. Mais je crois que vous êtes attaqué par le prince d'Antioche, avec qui vous avez eu tort de différer de traité. De Ranor, des renseignements plus complets vinrent confirmer cette opinion de Sire Guillaume, et la sarrasine retourna son irritation contre son seigneur et maître, dont elle comparait l'incapacité et la négligence à la clairvoyance du jeune chrétien. Toute la journée, les paysans refluèrent en ville, avec leurs bestiaux et leurs récoltes. On ne pouvait que les accueillir, ces malheureux. Quant à les protéger au dehors, avec quels soldats? À peine en avait-on assez pour garnir les remparts. Le soir, l'émir s'en étant allé avec Sire Guillaume, à travers les rues, fut accueilli par un silence tragique de désaffection. Oriente, impatiente de tout apprécier par elle-même, se faisait porter à leur suite en litière. Tous trois montèrent sur les murs. Dans le crépuscule, déjà l'ennemi dressait son camp sous la ville. Ils virent ses tentes, ses piques et ses gonfanons, et entendirent ses insultes. « Voilà donc, dit Oriente aux chrétiens, les chevaliers qui veulent mettre des femmes à mort, ou du moins nous imposer leur amour comme un joug. » Sire Guillaume protesta avec vivacité. Il dit que les chevaliers chrétiens, plus qu'aucun homme au monde, honoraient les dames. Et il lui montrait dans la brume, au milieu du camp, la haute bannière du prince d'Antioche, leur chef, où était figurée une vierge dorée. Elle distingua son trouble. Il souffrait en regardant ses frères de religion et cherchait son devoir. N'eût-il pas dû se glisser immédiatement au bas de ses murailles, pour n'avoir pas à porter les armes contre l'étendard de la vierge? Assez longuement, sans découvrir son jeu, elle le fit parler, le contredit, l'approuva, et dans une minute où ils furent seuls. Et quoi serait-il possible qu'un chevalier chrétien fût tenté d'abandonner au malheur l'ami qui partageait avec lui sa prospérité? Celui qui ne défend pas sa citerne est indigne d'y boire une gorgée. Sur ce thème de peur, de désir et de noblesse, elle parlait d'une voix tendre et précipitée, avec un accent étouffé. Et soudain, il s'engagea par les serments les plus terribles à ne jamais l'abandonner. Rentré au palais, dans le conseil de guerre, où elle le fit convier, son avis fut clair et net. Calat ne pouvait se dégager de vive force. C'était un espoir à écarter. Par contre, on devait obtenir un secours militaire du sultan de Damas et un arbitrage des chrétiens de Tripoli. Durerait-on jusqu'à ce que se déclenchât cette double intervention? C'était aux yeux de Sire Guillaume tout le problème. Il s'agissait de tenir. En conséquence, il conseilla d'abandonner la ville proprement dite et de réserver toutes les ressources pour la forteresse. Sise à l'angle de la place, sur une colline dont elle épousait la forme, la forteresse n'avait besoin que d'un petit nombre de défenseurs autour de l'émir et de son harem. Et comme elle communiquait directement avec la campagne, elle pouvait être, le cas échéant, secourue ou évacuée. Pour gagner du temps, conclut Guillaume, et pour durer des mois et des mois, les ressources ne nous manqueront pas si nous saisissons toutes les provisions que les gens de la campagne viennent d'apporter dans la ville. En vain l'émir fit-il valoir les droits de ces pauvres gens, et qu'il était leur protecteur. « Ah, lui, dit la sarrasine, laissez maintenant aux femmes les questions de sentiment et chargez-vous d'assurer notre vie. » La dure raison de Sire Guillaume s'imposa. Les paysans qui s'étaient réfugiés dans la ville furent dépouillés au profit des greniers de la forteresse, puis abandonnés aux chrétiens qui les mirent en esclavage. Bien des artisans et des bourgeois, qu'il eût été trop lourd de nourrir, furent rejetés au même sort. l'émir endossa l'impopularité de cette atroce mesure, où le contraignait un péril qu'il n'avait pas su prévoir. Guillaume apparut au petit nombre des favorisés dans la forteresse, comme un être d'énergie et d'initiative, autour de qui les espérances se groupèrent. Durant ce conseil de guerre, le jeune homme n'avait pensé qu'à la Sarrasine. Cette charmante figure, qui semblait dire que seul l'amour et la fantaisie enthousiaste valent la peine de vivre, avait suivi l'exposé des avis avec le plus lucide bon sens. Elle l'avait aidé à faire triompher une idée simple et dure. Il admirait maintenant en elle quelque chose de plus beau que ses couleurs, ses parfums et ses chants. Souvent, au milieu des ténèbres, c'est-à-dire aux heures de grande clairvoyance, quand il était de garde, il songeait « Je veille parmi les ennemis de ma race et de ma foi, et je partage leur sort précaire pour l'amour d'une femme que derrière ce mur un autre tient dans ses bras. » Et pourtant il n'admettait pas une seconde de soustraire à cette absurdité. Rien sans Oriente, tout avec elle, la vie ou la mort avec Oriente. Le resserrement de la vie physique dans la forteresse contribuait à exalter sa sensibilité. De jour et de nuit, pour les nécessités du service, il était autorisé à pénétrer dans l'intérieur du harem. Tout y était assemblé pour donner l'image d'une vie proche du ciel, les fleurs, les parfums, la jeunesse, la beauté, les chants et les lumières. Il y trouvait l'émir au milieu de ses femmes, ou seul avec Oriente. Mais nulle d'elles ne semblait apercevoir le jeune chrétien. Il n'était plus qu'une ombre que leur regard traversait, pour ne s'attacher qu'au maître, et celui-ci, elle l'enveloppait de rires, de flatteries, auxquels la Sarrasine joignait ses ensorcellements les plus tendres. Sir Guillaume se laissa aller à s'en plaindre à Isabelle dans une des rares nuits qu'il pouvait encore passer auprès d'elle. « Vous me négligez tout avec un naturel qui m'épouvante. Quand vous m'ignorez à ce point, je suis tenté de croire que jamais aucune de vous ne m'a montré de sympathie. Vous simulez ou dissimulez avec une telle perfection qu'on ne sait plus à quel moment vous êtes sincère. » Et, vérité de mon âme, sans notre art de mentir, nous péririons. Quand Oriente repose auprès de l'émir, seuls tous deux sur leur divan, et que dans le silence elle entend battre son propre cœur, crois-tu qu'elle ne redoute pas que son maître n'en comprenne l'alphabet ? Elle s'enveloppe en A de mots qui sont des fleurs et des parfums, pour l'étourdir et le distraire. Mais de toi, sache qu'elle me disait hier, je suis heureuse de penser qu'alors que je dors et repose comme une enfant paisible, un ami venu des extrémités du monde veille sur mon sommeil et assure la sécurité de Calaat. Elle dort auprès d'un malheureux qui ne sut pas lui épargner le péril. » La jeune femme mit avec précipitation sa main sur la bouche qui venait de prononcer ces mots amers, et se serrant contre le jeune homme, son souffle sur son cou, elle murmura « Silence, petit chrétien, de telles pensées peuvent agir, mais non parler. » Le lendemain dans la journée, la Sarrasine fit chercher Sir Guillaume. Souvent elle l'appelait ainsi auprès d'elle, quand l'émir était aux murailles et que, trop inquiète pour demeurer seule, elle voulait une fois de plus calculer les chances d'être secourue de Damas ou de Tripoli. Son émotion, qui la faisait plus brillante et plus palpitante qu'en aucun jour passé, exalta l'amour du jeune homme, et enivrée qu'elle fit appel à sa protection. Par l'étroite fenêtre grillée, il voyait à leurs pieds les vergers de l'Oronte, les fleurissons mortes de soif. Tous les musiciens ont posé leurs violes pour servir au rempart. Qu'importe, Oriente éblouie et enchante mieux qu'aucun jardin, et qu'aucune musique. Sa jeunesse et sa fantaisie ont au fait de reprendre et de redonner courage. Elle sait l'hymne qui sort de la caresse d'un regard aimé, et de la simple inclinaison d'un jeune corps, et suivant avec joie les signes de sa toute-puissance dans les yeux du jeune homme. Comment ne se sentirait-elle pas contre toute circonstance la maîtresse du destin? Ce jour-là, elle demanda 1000 détails sur les mœurs des seigneurs francs. Quelle place donnent-ils dans leur maison à leurs femmes? Une princesse d'Antioche, par exemple, a-t-elle une part du pouvoir? « Je sais, disait-elle, que de puissants seigneurs de chez vous ont épousé des Sarrasines qui se convertissaient. » Le jeune homme, dont la figure rayonnait d'espérance, vanta les mœurs chrétiennes. Soudain, il sentit les deux mains froides de la jeune femme se poser sur les siennes, et d'un ton négligent, avec un regard d'une prodigieuse acuité, à voix basse, elle lui demanda « Il y a dans Tristan quelque chose que nous ne comprenons pas. Comment Tristan ne s'est-il pas défait du roi Marc? L'un des deux était de trop. » « Pourquoi dit-il me poser cette question? Voulez-vous donc m'éprouver ?» Elle se taisait et couchait sur ses coussins, fière avec une ivresse enfantine de sa puissance de plaire, Elle songeait qu'elle n'était pas faite pour subir, mais pour choisir. Toute flexible, mobile et enthousiaste, Oriente semblait de ces esprits qui jamais ne disent non. À tous les conseils, à tous les ordres, à toutes les prières, avant même que les paroles en fussent entièrement formulées, elle s'élançait pour répondre oui, 100 fois oui, mais sous cette faiblesse et docilité apparente. Quelle force intraitable! Quelle énergie de fourmi et d'abeille! L'énergie d'une âme dominatrice qui n'admet pas que rien n'entrave son impétueuse vocation secrète. Les sourires, les acquiescements, les soumissions, les enchantements qu'Oriente prodigue n'empêchent pas qu'elle percerait le roc, monterait dans la lune et livrerait à la mâle mort ce qu'elle aime plutôt que d'abandonner sa ligne d'ascension. Elle a reconnu son maître incapable, et dans son esprit elle l'a dépassé, pis encore, elle l'a déposé. Son décret intérieur ne faisait que précéder le destin. Un jour, l'émir, contre l'avis de Sire Guillaume et de tous les défenseurs de la forteresse, tenta une sortie pour mettre le feu au camp des chrétiens. Il échoua, et dans la mêlée fut atteint mortellement. Quelques-uns disent que le trait qui le perça venait de ses propres gens. C'est ce qui n'a jamais été éclairé. Son corps put être rapporté dans l'enceinte du rempart.